Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau podcast interview, parce que maintenant, ça va être une nouvelle rubrique qu'on espère récurrente, ma foi, d'interviewer des personnalités. On avait eu Roméo la dernière fois, vous pouvez d'ailleurs écouter encore son interview, pas de problème, elle s'échappe pas. C'est Brousty donc qui vous accueille, avec une équipe différente de la dernière fois, parce qu'on a bien changé, on a une équipe assez éclectique. Et cette fois-ci, c'est une équipe du Sud, avec d'abord le Niçois, Renaud. C'est Renaud. Salut Brosti, salut tout le monde. Et ensuite Gus. Salut à tous. Et donc notre invité, comme vous l'avez peut-être vu sur Facebook, Twitter, ForumWrestles ou d'autres partenaires, c'est Yann Colby. Salut Yann. Salut à tous, merci de m'accueillir. Ah oui, ça va, au fin fond de Budapest. Eh ben écoute, ça va très bien. La canicule budapestoise arrive à grands pas, donc là ça fait quelques jours qu'il commence à faire chaud, donc les mini-jupes sont sorties. Ah, c'est beau ça. Ça fait plaisir. Bon, mais que. Oui. Particulière à tous les fans qui vous feront des demandes en message privé. Je dis pas non, je dis pas non, je dis pas non. Surtout que voyager à Budapest, c'est conseillé, il paraît, c'est une très belle ville, donc. Bah c'est, je ne peux que, oui. Non, mais on en a un tout petit peu parlé, mais oui, effectivement, ouais, c'est une ville géniale. Alors. Venez et je vous accueille à bras ouverts. Mais sur ce, on va embrayer sur les questions, donc les fameuses questions tant attendues, tant. Et de toute façon, par avance, n'hésitez pas à réagir au fur et à mesure de l'écoute sur les différents supports. Voilà, qu'on vous rappellera à la fin du podcast. Mais donc, d'abord, on va commencer par les questions sans transition. Hein, je fais pas de jiggle dans ce cas-là. C'est les questions pour mieux te connaître. Donc j'ai commencé par te demander comment tu as découvert le catch. J'ai découvert le catch d'une manière pas très originale et je pense comme la plupart d'entre vous et la plupart d'entre nous. Je devais avoir une dizaine d'années quand je suis tombé sur le catch sur Canal+. Et j'ai quelques souvenirs de certains shows qui remontent à 92, 93, 94, mais c'est que à partir du Rumble 95 que vraiment j'ai des souvenirs très clairs d'une assiduité accrue. Et la deuxième partie de la réponse, c'est pourquoi j'ai pas lâché, ça, je suis pas capable de l'expliquer. Qui l'a Désolé, poussé à mais faire son métier, par exemple? qu'est-ce qui m'a poussé? Eh ben, y a pas mal de gens qui disent que lorsqu'ils ont vu du catch, ils se sont dit, tiens, c'est ça que je veux faire comme métier. Moi, ça n'a pas vraiment été mon cas. C'était plutôt quelque chose qui me faisait rêver, mais au fur et à mesure des années et des rencontres, je me suis rendu compte que c'était éventuellement envisageable, puis éventuellement possible, puis possible. Et au fur et à mesure de ces échelons qui se présentaient à moi, ben, j'ai simplement franchi le pas et puis j'ai décidé d'intégrer le métier. Alors tout d'abord en tant qu'arbitre, parce que la nature m'a pas doté d'un corps de catcheur. Et puis un peu plus tard, par contre, quand c'était possible, ben je me suis lancé dans le ring. Tu peux nous raconter ton parcours dans les fédérations françaises en fait? Comment ça s'est passé exactement? T'es passé par plusieurs fédérations? Pour mes débuts, non, j'étais uniquement avec la ICWA, Ouais. avec Pierre Booster Fontaine. Et comme vous avez eu également Roméo la semaine dernière, donc c'est avec lui que j'ai commencé mes entraînements en même temps que lui. D'ailleurs, c'était, si je dis pas de bêtises, août 2006, le premier stage qu'on a fait ensemble. Donc avant ça, j'étais aussi à la ICWA, mais par contre j'arbitrais. Donc là, c'était à partir de octobre 2004 où j'ai fait mon premier show en tant qu'arbitre. Et à partir de là, bah, quasiment tous les mois ou tous les 2 mois minimum, il y avait un show ICWA, des fois plusieurs fois par mois. Et jusqu'à ce que je puisse débuter, c'était en mai 2007. Donc c'est à partir de cette date que j'ai pu avoir l'honneur de catcher dans le ring de la ICWA. Après, j'ai catché. Est-ce que j'ai catché pour d'autres fédérations? Oui, j'ai catché pour l'APC à Paris. Ça c'était en 2010. J'ai catché également sur la tournée de Marc Mercier de 2007 avec Roméo d'ailleurs. Où est-ce qu'on était? On était en Alsace, il me semble, et aussi dans l'Oise. Sinon, en tant que catcheur, je n'ai catché que pour ces organisations. Sinon, en tant qu'arbitre, j'ai aussi bossé avec Flèche à la Wrestling Star. Flash Gordon, Flash Gordon, exactement. Et quels sont tes meilleurs souvenirs et tes pires souvenirs dans le ring? Ouf, c'est du... Vous posez cette question à tout le monde, à tous les catcheurs? Ouais. C'est une question généraliste. Et tout le monde a la même réaction que moi, parce que c'est difficile comme question. Ouais, faut trier, oui. Ouais, si t'en as plusieurs, n'hésite pas. Ouais, c'est très difficile. Bah, le premier match, c'est toujours un grand souvenir qui reste ad vitam, parce que c'est le premier, quoi. C'est comme les femmes, hein. Ah, la première est toujours celle qui lance tout, ouais, c'est sûr. Et c'était contre qui le premier match? Alors, mon premier match, c'était contre Tom LaRuffa, actuellement connu comme Sylvester Lefort à NXT. C'était sur le parking du Shopi de l'Aventi dans le Nord. Ah, parking des anges. Ça, par contre, tu rigoles. Ouais, mais il ne pleuvait pas, donc ça allait quand même. Non, il pleuvait pas. Donc ouais, c'était évidemment un grand grand souvenir. Donc voilà, ça c'était mon premier match. Donc évidemment grand souvenir. Un autre grand souvenir, c'est d'avoir catché contre Daniel Bryan, évidemment. Ça c'était une expérience extraordinaire. C'était à la Japan Expo en 2008. Waouh. Ah oui, c'est énorme ça. Waouh, franchement. Il doit s'en rappeler lui aussi, j'espère. Ah oui, bien sûr, il en rêve tous les jours, évidemment. non, oui, donc de toute évidence, un très grand souvenir pour X raisons, que ce soit dans le ring ou même humaine ou même tout ce qui avait été partagé en termes d'histoire et de conseils à tous les niveaux. Donc ça, vraiment, c'était un souvenir impérissable. À la ICWA, j'ai deux très bons souvenirs. Il y en avait un, c'était à Roanne. J'ai catché avec Peter Fischer, que je salue, collègue alsacien, contre les Smoke and Roll. Et c'était la première fois de ma carrière, et peut-être aussi de la carrière des trois autres personnes qui m'accompagnaient dans le ring, où le rendu final et l'impression qu'on avait eu du match en rentrant dans les vestiaires était 100% identique à ce qu'on avait imaginé en préparant le combat. Et c'était un souvenir absolument génial, parce que ça n'arrive quasiment jamais. En tout cas pour moi, parce que je suis assez exigeant et je suis jamais satisfait de mes prestations. Donc entre ce qu'on imagine et ce qu'on fait finalement, il y a toujours un grand décalage. Et là, c'était la première fois où c'était aussi bien. Et ça a créé, pareil, un souvenir qui restera pour toujours. Bah sinon, ouais, j'ai un souvenir aussi super ici en Hongrie. C'était l'été dernier, où on a fait un show à l'issue duquel il y avait un Rumble, dans lequel on a fait gagner mon ami hollandais Gabriel Angelfire. Et à l'issue de cette victoire, en fait, on a formé un clan composé d'étrangers. Donc il y avait Gabriel Angelfire, Kent, un russe, Zafar Amin, qui est un hongrois, mais qui a une gimmick de... pas de berbère, mais... Israélien, non, un peu, non ? Non, surtout pas algérien. Et puis, et moi-même, donc le français. Et après ce Royal Rumble, Zafar a fait une promo, et ensuite moi aussi j'ai fait une petite promo en hongrois. Et là, la foule s'est déchaînée avec une violence apocalyptique, si je puis dire. Ah oui. Et j'ai l'objet. Oui, mais alors je mens pas, mais c'est NWO de 97 puissance 15, quoi. On a pris tout ce que vous pouvez imaginer dans la tête. Et en rentrant dans les vestiaires, on a éclaté de joie, parce que c'était la première fois de ma vie où j'ai vu qu'on avait réussi à susciter une émotion on ne peut plus pure, crue et réelle de la part du public. Et de manière générale, c'est quand même ce qu'on essaye de véhiculer quand on fait du catch. Et là, vraiment, on avait créé donc ce groupe de heel, et on avait réussi à créer cette réaction du public. C'était vraiment exceptionnel. Et bon, des fois un petit peu effrayant vu ce qu'on ramassait dans la tronche, mais bon, il suffisait de prendre les trucs et de leur renvoyer dessus, et puis ça se démontait la sauce encore plus. C'est sûr, oui. Et sinon, bon, on va passer à l'autre versant, les pires. Tu t'es déjà blessé assez gravement, Colby, dans un ring? Assez gravement, je dirais non. J'ai vu ta poitrine sur des photos Facebook. C'est pas gravement, mais je veux dire, c'est déjà assez impressionnant. Non. Oui, mais... ça peut être impressionnant, mais il y a rien de, je veux dire, ça reste pas pendant des semaines, quoi. C'est simple. Des coups, etc. Donc ça, il y a vraiment rien de bien méchant. Non, en 2010, lors d'un Royal Rumble, quand on avait fait des enregistrements télé à la ICWA, j'avais mal négocié ma sortie de ring et je m'étais déboîté l'épaule. Et ça avait un petit peu cassé mon entrain à cette période. Donc c'était un souvenir assez négatif, parce que ça m'avait éloigné des rings, d'une part physiquement au début, et puis ensuite un petit peu psychologiquement, parce que je sais pas pourquoi ça m'avait un petit peu coupé l'envie. Moi, je me suis cassé le doigt ici en Hongrie il y a un mois, enfin, il y a quelques semaines. Mais là, ça va, c'est de nouveau utilisable. Sinon, non, de manière générale, j'ai été assez chanceux et j'ai jamais eu de grosses, enfin, en tout cas, on va dire de vraies blessures qui va nécessiter une intervention chirurgicale, pardon. Donc, je touche du bois. Ah, c'est sûr, nous aussi. Pas vraiment de souvenirs très très négatifs. Ok. Ah, c'est parfait, bon, on souhaite que ça continue comme ça. Ouais. Et sinon, quel serait, si tu voulais comme ça choisir un adversaire rêvé, tu prendrais qui? C'est une bonne question. Mort, vivant, retraité? Ce que tu veux. Toute époque, c'est vrai que ça peut être quelqu'un qui a arrêté, parce que Roméo nous avait dit par exemple Shawn Michaels, donc voilà. Bah, Shawn Michaels, évidemment. Alors, il y a deux parties à la réponse, je dirais, parce qu'il y a d'abord la partie de ceux qui m'ont rêvé. Qui m'ont fait rêver, pardon. Donc oui, il y a évidemment Shawn Michaels, Steve Corino, Mick Foley ou Austin. Ça, c'est des gens. Enfin, c'est plus pour la partie rêve et des gens qui avec qui j'ai grandi quand j'étais plus jeune. Par contre, de là à savoir, c'est même sûr de pouvoir sortir un bon match avec cette personne. Là, il y a encore un grand écart. Donc, je ne sais pas si ce serait une super idée de nous faire catcher ensemble. Par contre, ouais, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup bosser avec, j'aimerais énormément rebosser avec Sylvester Lefort, si l'occasion m'en était donnée un jour, parce que ce serait cool de se refaire ça après les années où on avait travaillé ensemble à la ICW en 2007-2008, même 2009 si j'ai pas, non 2008. Beaucoup de catcheurs. Moi, je suis beaucoup plus axé sur la partie show que sur la partie athlétique, donc au risque de décevoir certaines personnes, je vais pas forcément mentionner des Dolph Ziggler ou des Tyson Kidd ou des gars comme ça, mais des personnes qui ont des gimmicks très prononcés comme Fandango par exemple ou des catcheurs comme ça. Moi, c'est vraiment ce genre de gars qui m'inspire et avec qui j'aimerais beaucoup partager du temps sur le ring. La dimension divertissement, donc oui, quand ouais. Même. Oui. Et j'aimerais bien aussi, si l'occasion m'en était donnée, de recatcher. Contre Daniel Bryan et Roderick Strong, avec qui j'ai catché aussi en 2007, parce qu'à l'époque, malheureusement, enfin en tout cas malheureusement entre guillemets, c'est que j'étais encore beaucoup trop jeune dans le métier, et j'aimerais vraiment aujourd'hui recatcher avec ces personnes, avec mon niveau d'aujourd'hui, parce que je suis sûr que ce serait mille fois plus fun et ce serait un souvenir encore plus cool que je pourrais mentionner dans notre interview de 2017. C'est pas faux, bah on leur passe l'appel. Surtout Roderick Strong, ma foi, ça pourrait. C'est jamais. On va embrayer sur ta carrière présente. On sait que tu as eu plusieurs rôles dans le cadre jusqu'à présent. Tu as été commentateur aux côtés de Christophe Ajus et de Philippe Chiraud. Tu as été leur joker, c'était en 2010, si mes souvenirs sont bons. Octobre et novembre 2010, ouais, exactement. Ouais. Comment cela s'était fait et pourquoi as-tu arrêté? Alors, pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'il n'y avait plus besoin de joker. Mmh. Pourquoi ça ne s'est pas refait à l'époque, je pouvais parce que mon boulot de l'époque me permettait de commenter pendant la journée, pendant les enregistrements au studio AB. Comment ça s'est fait en fait, c'était tout simplement Christophe Ajus qui m'a contacté en me disant Philippe sera pas là telle et telle date, est-ce que comme toi t'es sur Paris, est-ce que ça te branche? Et j'ai tout naturellement dit oui. Et puis probablement ma prestation de l'époque qui était, je pense, assez passable. Ouais, moi quand je dis pas mal, ça va quoi. Bon, à l'époque je commençais juste à regarder, donc je suis peut-être pas assez impartial, mais. Ouais, donc tu lui as donné le goût au catch, Agus. Hein. En quelque sorte oui, parce que au début j'avais connu Ian Colby. Ouais. Bah c'était sur un duo Ajus Colby que j'avais entendu, parce que je me rappelle d'avoir entendu ta voix et pas celle de Philippe. Ma voix suave. Tu l'as connu comment, Christophe Ajus, Yann? Ça s'est fait comment, par Internet? Alors, Christophe Ajus, c'était le voisin d'un mec qui était dans le même collège que moi, fan de catch lui aussi. Ouais. Et puis en fait, bah lui, il avait Internet dès le début de l'arrivée d'Internet, donc vers 97. Donc il a eu accès tout de suite aux cassettes ECW, FMW, enfin les trucs un petit peu obscurs qui étaient absolument impossibles d'obtenir. Et puis, bah en fait, il m'avait mentionné qu'il avait un autre pote fan de catch, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc quand on connaissait deux personnes dans la même ville, c'était déjà les cerveaux explosés dans tous les sens, tellement c'était improbable. Et puis en fait, ce voisin, c'était Christophe Ajus, donc je l'ai connu de là, je l'ai connu. Les premiers contacts que j'avais eus avec lui datent de 1997, je crois. Ah oui, ça fait un petit moment, ça fait 15 ans. Ouais. Oui, Christophe, c'est un de mes plus vieux amis d'une part de la vie réelle, mais surtout aussi du catch. Que je salue d'ailleurs, Christophe, je t'embrasse si tu écoutes. Je sais Ah que tu oui, écoutes ah, il d'ailleurs. écoute hein, d'ailleurs. Ouais, il écoute, ouais. Donc moi j'ai passé plus à dans ce qui se passe en ce moment. Tu luttes donc en Hongrie pour la moi j'ai peut-être botché la prononciation, on va voir la Tant Hungarian mieux. Championship Wrestling. Wrestling. Voilà, ouais. Tu peux nous raconter un petit peu cette expérience, justement, comment tu y es arrivé déjà Alors, la genèse de l'histoire, c'était lorsque j'ai arbitré un show en Belgique en octobre 2011. J'avais un pote gallois là-bas qui s'appelle Rhys Murphy, qui catchait. Et on parlait un petit peu de nos vies perso, etc. Et je lui parlais de mes projets de déménager à Budapest. Et il m'avait dit qu'il avait été en contact une fois avec un gars d'ici qui avait une structure. Donc, évidemment, je me suis empressé de le contacter pour lier des liens. Et puis lorsque je suis arrivé à Budapest fin 2011, début 2012, j'ai rejoint la structure d'abord en tant qu'arbitre parce que j'avais pas recommencé à catcher depuis ma petite blessure à l'épaule qui m'avait un peu démotivé. Et au fur et à mesure, en revoyant la motivation de la part du staff déjà, et aussi des fans et de l'engouement qu'il y avait tout autour de la HCW ici, ça m'a vraiment donné envie de retourner dans le ring. Donc c'est là que je me suis un petit peu posé des questions en me disant comment est-ce que je pouvais un petit peu réinventer mon personnage et essayer d'avoir un fresh start, comme on dit. Et puis voilà. Et j'ai refait mon premier combat en juin 2012. Et depuis, ça se passe très bien. Tu es vraiment du genre à jouer sur le côté français dans les shows? Pas du tout, en fait. Pas du tout. Il y a une partie où oui, j'en joue. Parce que je suis le français, un peu le connard, etc. Parce Le qu'il y a français de service. le français de service, exactement. Et il y a beaucoup de choses historiques qui lient la Hongrie à la France de manière négative, notamment le traité du Trianon. Pour ceux qui ne connaissent pas le traité du Trianon, je vais pas l'expliquer, mais je vous invite à aller sur Wikipédia. Et vous comprendrez pourquoi la Hongrie déteste. Non, en deux mots, c'est que le traité du Trianon a fait perdre plus de 60% de son envergure géographique à l'Empire hongrois et austro-hongrois. Donc forcément, tout le monde déteste le Trianon. Donc il y a ce côté français qui est lié à ce que détestent les Hongrois historiquement. Mais sinon, par rapport à, par exemple, Roméo qui joue beaucoup avec le côté français à Atlanta et en Géorgie, moi j'en joue pas du tout, j'ai pas de drapeau ou de choses comme ça. Et dans Ah, sa d'accord. globalité, le catch en Hongrie, c'est perçu comment là-bas? C'est populaire? C'est très populaire, mais le paysage est totalement différent à celui qu'on peut retrouver en France et aux États-Unis. C'est-à-dire que nous, on est en situation totale de monopole. C'est-à-dire qu'il y a une structure qui génère toute l'activité du catch. Donc, s'il y a des fans de catch qui veulent suivre du catch hongrois en Hongrie, ils n'ont pas trop le choix et il n'y a que nous. Donc, forcément, déjà, ça crée une grande symbiose avec les fans parce que ça fait une grande famille, très grande d'ailleurs, parce qu'il y a des shows où on dépasse les 1500 personnes. Mais sinon, au-delà de ça, oui, c'est très populaire, il y a beaucoup d'engouement, et les gens, ils savent tout. Enfin, des fois, il y a des fans après les shows qui viennent me parler de détails sur moi, ou je sais pas d'où ils ont chopé ces infos, mais en tout cas, c'est toujours très touchant, et oui, ils sont vraiment à fond, à fond, à fond. Et les salles où tu te produis, c'est un petit peu le même genre de salle ou vous faites des tournées en Hongrie ou juste ciblées sur Budapest? Alors, on est plutôt ciblé sur Budapest dans la majorité des cas. On a commencé dans une petite salle un petit peu obscure. Ensuite, on a bougé dans une autre où on a atteint les 600-800 personnes. C'était en fait une espèce de bar discothèque, mais quand même de très grande taille. Pas comme ce qu'on peut retrouver à la WXW. Je sais pas si vous avez déjà vu leur show. Ouais, c'est vrai, ouais. En Allemagne, ouais. Où ils sont 300 et ils sont agglutinés au bord du ring. Nous, c'est des espaces qui étaient déjà à l'époque un petit peu plus grands. On pouvait quand même mettre 800 personnes avec des barrières et un espace autour du ring, espace vital, on va dire. Donc voilà, et puis petit à petit, on a bougé dans des salles plus grandes pour avoir ensuite, oui, presque 1000 personnes, enfin entre 800 et 1000. Et puis là, au mois de mars, on a fait notre plus grosse foule pour des enregistrements télé, où on a eu un petit peu plus de 1500 personnes. Donc là, c'était vraiment dans une très grande salle. Et c'est super. Et sinon, on tourne aussi à Szeged, qui est une ville dans le sud du pays, avec la frontière serbe, où on a un gros show chaque année, où aussi on a, cette année, on a eu pour la troisième année consécutive à peu près 1300 personnes. Donc c'est toujours l'événement annuel, niveau catch, bien sûr, de cette ville. Donc voilà. Mais sinon, et, au niveau médiatique, est-ce qu'il y a un relais au niveau des médias nationaux et régionaux? Oui, alors au niveau des médias papier, etc., sur Internet peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, on a cette année, pour les shows de mars, août, octobre et novembre, on a un deal qui est signé avec une chaîne nationale, sur laquelle passe d'ailleurs la VVE, et en fait on a un show, ah ben non d'ailleurs, je dis une connerie, il y a encore aussi le show du mois d'avril qui a été diffusé, donc 5 shows sur l'année. Qui ont été diffusés donc sur cette chaîne nationale dans un format, si je dis pas de bêtises, 1h20, enfin 1h35 je crois d'émission avec un quart d'heure de pub ou quelque chose comme ça. Et en fait l'émission c'est un récap du show et par contre ça c'est top parce que ça nous donne énormément de visibilité. C'est une chaîne équivalente à peut-être quand même pas W9 ou c'est quoi D8 maintenant, c'est ça? C'est ça. Ouais, D8. C'est D8, ouais. Peut-être pas aussi grosse que celle-là, mais en tout cas des chaînes nationales qui sont sur la plupart des bouquets de base qu'on peut avoir sur le triple play, enfin internet télé, etc. Là-bas aussi, il y a le système TNT, donc comme ici, c'est intégré aux chaînes publiques gratuitement, c'est ça? C'est pas la alors pour la TNT, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Moi, je sais que depuis que je suis là, j'ai une box avec un téléphone, internet et la télé. Avec une centaine de chaînes ou un truc comme ça, donc c'est assez similaire à ce qu'on peut retrouver en France. Par contre, je sais pas si sans les box, on a accès gratuitement à de la TNT comme c'est le cas chez vous, parce que je peux plus dire chez nous maintenant. À noter que si les audiences sont jugées bonnes par le diffuseur, il y aura aussi des shows hebdomadaires l'année prochaine. C'est ce que tu m'avais dit. Ouais, en fait, ça c'est le plan à moyen et long terme, c'est d'essayer de choper des bonnes audiences, en tout cas suffisamment bonnes pour que la chaîne ait envie de faire un show hebdo, parce que c'est vers quoi ils aimeraient tendre, si c'est possible et si c'est viable niveau audience pour eux. Et tu sais pas alors quelles sont les audiences actuelles du show ou pas du non. tout encore, pas encore non, communiqué. D'accord. Et où en es-tu précisément au niveau actuellement à la CW, sachant que par exemple on avait vu que il y a 2 mois tu as challengé le champion PG Hooker, enfin je sors l'accent, et que je crois que j'ai vu que ce n'est plus champion depuis, c'est justement, tu avais parlé de lui tout à l'heure, Zafar Amin. Alors je pense que tu t'es trompé d'année, parce que quand j'ai catché PG Hooker, c'était en mars 2013, c'était l'année dernière. Ah oui, oula, décalage de nord, effectivement. Donc, t'en es où depuis? Parce que je me rappelle que avec Vincent, qui est aussi de l'équipe, on avait fait le résultat sur un site... sur le site sur lequel on bosse du show Super Show qui avait lieu il y a 2 mois je crois. T'étais un opener, un match par équipe. Bon, t'avais perdu malheureusement, mais ouais, malheureusement. Mais j'avais rien de cassé pour mon excuse. Ah oui, effectivement, c'était là que c'était. Ouais, d'accord. Et sinon depuis qu'est-ce qui est prévu pour toi à la HCW? Alors, ce qui est prévu pour moi dans un premier temps, c'est pas ce week-end, le week-end prochain, je vais faire un séminaire. À l'école HCV, comme on dit ici. Donc je vais faire un séminaire d'une journée avec les catcheurs, donc un séminaire de niveau, enfin pas pour les débutants et les élèves, les catcheurs en herbe, on va dire. Et le 28 juin, ce que je viens de poster d'ailleurs ce soir, on a un show old school dans la mesure où ce sera pas un enregistrement télé, donc ce sera dans une plus petite salle où on aura que, entre guillemets, 500 personnes. Avec un nombre limité de places, etc. Et lors de ce show, j'espère que personne va le traduire en hongrois et que je vais pas me faire taper sur les doigts. Mais hier soir, là, on m'a dit avec qui je vais bosser, et ce sera un gars que vous connaissez peut-être, alors soit sous Hungarian Hammer, soit Steve Namath, qui qui en fait c'est le premier Hongrois qui est devenu bodybuilder professionnel dans la IFBB, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est IFBB. Et actuellement en fait il est en Floride et il s'entraîne à l'école des Dudleys. Et là il sera de passage à Budapest et donc du coup on s'est débrouillé pour qu'on catche ensemble. Et donc c'est une nouvelle que j'accueille les bras ouverts et avec le cœur plein de joie parce que c'est quelqu'un que je connais un petit peu, il est super cool et ça me fait vraiment plaisir de bosser avec un mec qui a à la fois la vision hongroise et aussi la version US du catch et notamment dans une école aussi réputée que celle des Dudleys, donc je pense que ça va le faire et j'ai vraiment hâte de comparer nos musculatures. Oui, c'est vrai. Effectivement, ouais. Niveau musculation par rapport à la France, t'en as pris en Hongrie des muscles? Oui, un petit peu, on va dire. Parce que, bon, tu me diras, le nerf du catch, des fois, pour progresser encore plus haut, c'est avoir encore plus de muscles. Je me rappelle, Roméo, par exemple, nous disait que, par exemple, à la WWE, il fallait vraiment avoir des muscles, voilà, se muscler fortement pour aller dans les grosses fédérations. Donc, t'as pas eu besoin spécialement de te muscler plus en gris. Plus que la musculature, c'est plus la forme physique générale qui va importer dans le catch en général. Pour reprendre ce qu'avait dit Roméo, oui, c'est vrai qu'à la VVE, bon, déjà, les mecs sont très très grands, ils sont beaucoup plus grands que nous, ils sont beaucoup plus larges en termes d'ossature, et puis aussi, aux États-Unis, les mecs vont au gym depuis qu'ils ont 14 ans, et quand tu commences à aller à la muscu pendant ta croissance, ton corps et ta génétique s'habituent à construire du muscle dans tous les sens, et forcément, c'est pour ça que les gars ont l'air absolument énormes, et ils le sont d'ailleurs, donc c'est pour ça que c'est pas forcément facile pour tout le monde d'intégrer la VVE d'un point de vue physique. Et au niveau de la musculature, parce que vu que c'était la question que tu posais. Et après ici, bah écoute, moi je vais au gym, hein, tout simplement, et j'essaie de surveiller mon alimentation. Des fois pas bien, des fois j'ai des périodes off, et des fois j'ai des périodes où je suis un petit peu plus motivé, comme en ce moment. Donc là j'essaie de manger, d'ailleurs, de manger sainement et en grande quantité. Et puis voilà. Et après, une fois qu'on aura raccroché, je me mettrai à table de nouveau pour manger mon dernier escalope de poulet. Donc voilà. Mais c'est pas facile de prendre du muscle. Je voulais savoir si tu avais une activité parallèle avec le catch. C'est-à-dire en niveau sport ou non, enfin niveau travail. Enfin, est-ce que tu vis du catch ton statut là-bas et comment? Je vis pas du tout du catch. Déjà d'une part parce qu'on n'a pas assez de shows ici. On a un show tous les deux mois seulement, tous les mois. Là, on a eu mars, avril, juin, ouais. Donc c'est assez variable. Non, je ne vis pas du catch, malheureusement. J'ai un vrai travail, entre guillemets, comme tout le monde, pour payer les factures. D'accord. Et quel est-il, si c'est pas trop... Je travaille chez BP, le pétrolier. Je travaille chez BP dans la branche aviation civile. Donc c'est tout ce qui concerne l'aviation, mais qui n'est pas des compagnies aériennes. D'accord. Et sinon, bon, sans donner des chiffres, parce que c'est quand même un petit peu indiscret, je sais bien. Combien de litres consomme l'aéroport? je voulais savoir, la paye pour les shows, c'est une paye régulière C'est une pige, ouais, c'est un forfait, quoi, que je bosse ici à la TV ou que je bosse pour David Michel. À la Ligue nationale de catch, comme c'était le cas il y a 3 semaines. Oui, il y a 3 semaines. C'est le cachet que je demande pour ma prestation. Et c'est ce qui se fait de manière générale partout en Europe, partout aux États-Unis, jusqu'au moment où on signe un contrat avec une fédération quelconque. Voilà, ouais. On peut dire que tu es un freelancer, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'obligation de contrat d'exclusivité avec la fédération. Voilà, ouais, exactement. D'accord. Et sinon, depuis la Hongrie, est-ce que tu gardes un rapport avec le catch français? Quelle distance as-tu éventuellement? Je dirais que le rapport reste encore un tout petit peu lointain, mais ça tend à se rapprocher, en espérant que 2014 et 2015 nous amènent de bonnes surprises. Il n'y a pas d'exclu à faire quand tu parles des années, là? Non, c'est juste okay. Parce que je me projette, tout simplement. Ah, mais c'est très bien. Oui. J'ai catché à la LNC il y a quelques semaines. L'année dernière, j'étais pendant plusieurs mois en région parisienne, donc j'avais eu la chance de catcher pour la ICWA Japan Expo, contre Daisuke Sekimoto, entre autres. D'ailleurs, si Booster m'écoute, une énième fois, je lui demanderai de m'excuser pour mes prestations qui étaient pas au niveau parce que j'avais des petits soucis de santé à l'époque. Mais voilà. Mais en tout cas, oui, ce serait avec grand plaisir que je reviendrai en France ou même en Belgique pour recatcher, soit pour la ICWA ou pour d'autres structures qui jugeront que ma présence peut être appréciée et appréciable sur les shows. Et sinon, du coup, t'es pas fixé qu'en Hongrie, tu fais des allers-retours et tu luttes parfois donc en France. Ouais. Parfois, oui, ça reste quand même très très sporadique. Oui, très rare, ouais, comme t'as dit, mais. Ouais. Ça s'est déjà fait et ça s'est moins fait, comme j'avais dit, parce que j'avais des soucis de santé pendant à peu près une année. Et là, ça tend à revenir à la normale. Donc, j'espère que je vais revenir en France et même dans d'autres pays européens pour m'amuser un petit peu. Alors. Colby, est-ce que oui. Tu reviendras en France s'il y a Raven dans le show? Je m'explique. parce que on a eu Roméo là récemment donc en interview qui nous a dit que tu lui avais un peu servi de chauffeur, de guide, limite un peu de larbin en quelque sorte. Tu peux un peu nous expliquer la chose? Ouais, je vois tout à fait. Est-ce que donc Révolution 4 avait eu lieu à Souffelweyersheim, ville de laquelle est originaire Christophe Ajus. Mm-hmm. Effectivement, Raven était booké et comme moi j'étais sur la région, je devais le chercher à l'aéroport un vendredi matin à Francfort, si je dis pas de bêtises. Donc je suis allé le récupérer à l'aéroport et puis après moi le reste de la journée, une fois que je l'avais ramené en région, sur Strasbourg, j'avais prévu de faire d'autres trucs, notamment de chercher d'autres catcheurs, par exemple Tom Laroufa qui venait sur l'aéroport de Strasbourg et d'autres choses comme ça. Donc la journée était le début de matinée, on va dire, où toute la matinée était bloquée par Raven, mais après le reste de la journée était déjà programmé avec pas mal d'activités diverses et variées. Et à ma grande surprise, Monsieur Raven voulait voir des boutiques gothiques à Karlsruhe. Il voulait faire pas mal de choses. Et du coup, moi j'étais un peu le cul entre deux chaises parce que je devais forcément lui servir. Ouais, c'est vrai que à la fin de la journée, on va dire larbin, mais il a fallu faire encore plus d'allers-retours entre les villes allemandes où il voulait se balader et les villes françaises où moi je devais aller ou même les aéroports pour récupérer des personnes. Donc c'était un petit peu le bordel. Et effectivement, fin de journée, et puis c'était toute la journée. Il changeait d'avis, il y avait tout le temps autre chose. Et je suis passé du grand fan parce que j'adore Raven et j'adore sa vision du business et la psychologie la vision qu'il a des combats et tout ça. Donc je crache pas du tout sur les peut-être 5 ou 6 heures que j'ai passé en voiture avec lui parce que j'ai appris quand même pas mal de choses. Des choses qui, avec mon niveau d'expérience de l'époque qui était d'à peine 4 mois, j'étais à des années-lumière de pouvoir concevoir, donc c'était un grand souvenir à ce niveau-là, mais c'est vrai qu'après, j'ai fait le taxi et j'ai fait le larba toute la journée jusqu'à minuit le soir, où il a fallu lui récupérer un hôtel en dernière minute parce qu'il voulait pas dormir là où on lui avait réservé un hôtel qui était près du show, etc. Donc c'était le bordel et c'est vrai que j'en avais eu marre au point de pas décrocher. Je peux quand même me vanter de pas avoir décroché. Mon téléphone a sonné et qui avait marqué Raven dessus parce que le lendemain le matin il m'avait rappelé et puis je me dis ah putain non là je peux pas, il me faut encore un petit peu de temps pour oublier tout ce qu'on a vécu hier. Ah ouais, en effet, non, mais enrichissant, mais ouais, un peu épuisant, c'est sûr. Disons que sur le moment, on était tous ensemble avec Ajus, Roméo et tout le monde. Donc, sur le moment, on était, quand t'es dans les tranchées, t'es plus pris par l'ambiance négative du truc. Mais là, maintenant, presque 7 ans après, j'en rigole et c'est un souvenir évidemment génial. Enfin, quelle impression ça te fait d'avoir été le dernier adversaire de Tom Laroufa? Avant qu'il devienne Sly, Sylvester Lefort à la WWE. Non, c'était pas moi. C'était pas toi? Non. C'est pas moi qui ai écrit la question, je le dis. Ah, vous voyez, je vous l'avais dit. On a été mal renseigné. Ah, mais c'est pas grave. J'ai été effectivement le dernier adversaire de Tom Laroufa à la ICWA en août 2008. Attendez. Oui, août 2008, avant qu'il parte à la Wrestling Star chez Flash Gordon. Et par contre, après, quel est son véritable dernier adversaire sur le sol français avant qu'il... C'est pas David Michel ? Peut-être, ça je ne sais pas. C'est impossible parce qu'ils se sont rencontrés pas mal de fois. Avis aux amateurs, donnez-nous l'info. Mais là, je ne vais pas vous dire de bêtises, donc je ne sais pas. Et du coup, quel effet cela se fait-il de voir ton pote Larufa à la WWE? Bah, c'est évidemment génial, quoi. C'est Tom Larufa, c'est un personnage à part entière. Quand tu le, de par son comportement, de par son style vestimentaire, de par tout, de par qui il est, c'est quelqu'un qui a toujours, qui est toujours sorti du lot mille fois plus que tout ce qu'on peut voir dans la vie de tous les jours. Et s'il y avait une personne qui devait arriver à catcher à la WWE, bah c'était lui. Et de voir que tous les efforts et tous les sacrifices qu'il a fait depuis que je le connais, de voir que tout ça, ça paye enfin, et ben c'est vraiment un grand bonheur. Un grand bonheur de le voir là-bas. Ouais. Et pour parler d'autres noms marquants avec qui tu as travaillé, est-ce que tu te rappelles de quelques noms ensuite que tu as croisés dans des fédérations? Parce que par exemple, je vois que dans un sur YouTube, il y a un match féminin où tu accompagnes. Désolé, j'ai un peu perdu le nom malheureusement. Execute lorsqu'elle affrontait C'était en Suisse, c'est ça, voilà. C'était en Suisse début mai, ouais, début mai 2012. Ouais. Et voilà, il y a Shana qu'on avait eu en interview d'ailleurs. Et... Oui, et oui. Oui, oui. Bah Shana, oui, très sympa. C'était très sympa de bosser avec elle. Ouais. Il y a des grands noms avec qui tu as bossé, Colby? Des noms vraiment connus du public. Là, on a parlé de Raven, mais est-ce que tu as déjà... Il y avait Brian avant, oui. Donc Brian, oui. Ouais. Est-ce que tu leur as servi de la main aussi à ces gens-là ou... Non. Tu étais sur le show de Vampiro, non? En tant qu'arbitre? Oui. Ouais, bon, c'est ça, hein. Bah, en tant que catcheur, oui, j'ai catché donc Tom Larufa, parce que quand même maintenant c'est pareil. Ah oui. Roderick Strong, Daniel Bryan, Chad Collier aussi, pour les fans un tout petit peu plus puristes. Raven, donc j'ai pas vraiment bossé avec lui, mais il m'a quand même mis un DDT devant le public, donc ça compte, on va dire. j'ai catché, je sais pas, avec Pat Schultz, avec Eric Schwartz, avec Joe Legend très souvent. Ici en Hongrie, il y a eu Generico qui est venu. Il y avait souvent Tommy End aussi est venu quelques fois. Tenkwa et Gabriel Angel Fire qui sont aussi des très bons noms européens. Avec qui j'ai partagé des vestiaires en tant qu'arbitre aussi. Donc il y avait Vampiro. Une fois j'ai arbitré en Allemagne sur un show où il y avait pas que je dise de bêtises. Bah à l'époque il y avait Pac que maintenant les fans un peu plus récents doivent connaître comme Adrian Neville. L'anglais, ouais, champion NXT, ouais. Ouais, donc déjà à l'époque, il avait un truc comme 19 ans avec un physique absolument à couper le souffle et il faisait des pirouettes que personne n'avait jamais vues. Sur ce show, il y avait aussi Maru Fuji. Non, pas Maru Fuji, je dis des bêtises. Comment il s'appelle le... Il y avait Ricky Marvin et l'autre Ishimori, Taiji Ishimori, c'est ça? Taiji Ishimori, punaise, la honte, ouais. Moi, je connais un peu le catch japonais, c'est pour ça. Je devrais mieux le connaître, je devrais réviser mes classiques. Donc il y avait lui aussi, j'ai partagé des vestiaires avec Chris Masters, avec il y avait qui? C'est l'air d'un gars cool, Chris Masters. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, Chris Masters, il est vraiment c'est vraiment le mec, enfin il y a pas grand chose à dire sur lui quoi, il est vraiment super cool, il se prend absolument pas la tête, il est vraiment top. Sur ce show, il y avait aussi il y avait Tajiri, Shelton aussi qui était là. Donc ouais, pas mal de names, et à chaque fois c'est vraiment un grand plaisir de discuter avec eux parce qu'on a une on apprend énormément en simplement en discutant et en écoutant ce qu'ils ont à dire et quand ils partagent des histoires et des expériences. Et les discussions t'ont amené à changer parfois ton approche du catch, à modifier certaines choses dans l'entraînement, choses comme ça par exemple. Oui, assez rapidement en discutant notamment avec Raven. Et Daniel Bryan, c'était de faire doucement, d'une part pour se protéger et puis pour pouvoir le faire le plus longtemps possible. D'ailleurs il y a un catcheur italien, je crois, si je dis pas de bêtises, qui s'appelait Lothar. Je sais pas, j'ai aucune idée s'il catche encore, mais je l'ai affronté lors de mon deuxième combat. Et il m'a donné le conseil que j'utilise le plus souvent, c'est que si tu crois que tu vas trop doucement, il faut que tu ailles encore plus doucement. Parce que si tu crois que tu vas trop doucement dans le ring, tu vas vouloir faire trop vite, et c'est là que tu vas faire des conneries. Donc si tu te dis que ça va trop lentement dans le ring, eh ben tu ralentis encore plus, et là tu seras sûr de prendre ton temps et de faire des choses cohérentes et qui auront un sens pour l'histoire du match et pour le show que tu essayes de faire. Avec bonne morale, ma foi. Quelle fédération suis-tu assidûment? Est-ce que tu suis la WWE, la TNA, ROH? Personne ne suit la TNA. Bah, écoute, je demande. Hein. Pas des miracles, hein. Ouais. La TNA, non, je ne suis pas la TNA. Ah ben, qu'est-ce que je disais? WWE? WWE, oui. WWE, les pay-per-view inconditionnels, les Raw, un petit peu moins, mais j'essaye de me prendre le temps de les regarder, mais c'est pas toujours facile. SmackDown, je regarde pas. Par contre, je regarde des fois NXT. Mais quand il y a Tom? Non, même pas. J'essaye de regarder quand je peux. Mais évidemment, s'il y a Tom, de toute évidence, je regarde. Il était passé d'ailleurs il y a 2 ou 3 semaines, il me semble. Ouais, c'est ça, oui, il y a 2 semaines, ouais. Il était avec Marcus Louis, ils avaient démarré leur équipe, les Légionnaires, ouais. Entre El Local et Kalisto. Ouais. Et sinon, je suis la Pro Wrestling Guerrilla. La PGW. Excellente fédération californienne, ouais. J'aime beaucoup. Des fois, leurs shows sont un peu indigestes, donc il faut couper le visionnage en 2 fois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup. Mais sinon, oui, c'est de là, et puis, de manière générale, c'est pas vraiment, je suis pas un produit de manière assidue, je vais plutôt essayer de piocher dans des combats récents ou même dans des combats vieux ou voire très vieux pour essayer de trouver mon compte. Donc j'ai pas vraiment de courant de pensée ou quelque chose comme ça. Mais tu de étais manière un fan? Oui, je suis plus la VVE, ouais. Ouais, d'accord. Et tu étais un fan de la WCW quand elle était encore en vie? Ou oui, c'était pas oui. Ta... Ouais. À partir du moment où la WCW a commencé à passer sur Canal en janvier 97, bah je comprenais pas trop ce qui se passait, de toute évidence, mais je me suis dit, bon, bah, c'est du catch, donc forcément j'aime, quoi. Ouais, donc j'ai continué à regarder. Oui, j'étais fan. Ah putain, c'est de l'eau pliante, quoi. J'ai acheté une bouteille d'eau et je croyais que c'était de l'eau plate. En fait, c'est de l'eau pétillante. Donc, je vais essayer de contenir mes ronds pendant le podcast. Désolé. Oh, on est habitué ici. Hein. Oui, alors, toi, oui. Alors, tu étais à la Nouvelle-Orléans en avril pour WrestleMania 30. Est-ce que tu peux nous en parler? C'était bien. Est-ce Merci. Que tu as pu voir Merci. Oh, ben, c'est concis, hein, c'est toujours très précis. Est-ce que tu as pu voir Tom du coup? Non, on n'a pas réussi à se trouver. Ah, mais t'étais venu que pour WrestleMania ou pour d'autres choses? En fait, chaque année avec des amis, on part pour aller voir WrestleMania et pour se greffer un petit voyage de vacances en fait autour. Donc c'est joindre l'utile à l'agréable. En général, y a Roméo qui est de la partie aussi, mais cette année, il a pas pu le faire malheureusement. Espérons qu'il puisse le faire l'année prochaine. Mais sinon, oui, en général, oui, on se base sur là où sera WrestleMania pour se faire des vacances aux États-Unis et puis après se faire 3 jours de WrestleMania, Ring of Honor et tout ce qui bouge dans la région. Enfin, tout ce qui bouge, pas forcément, mais. Et oui, parce que c'est vrai que depuis 2 ans, il y a le WrestleCon qui est dans la même ville où elle est fédé indépendante, ouais, et Ring of Honor qui ouvre toujours le week-end. WrestleCon l'année dernière à New York et cette année à Nouvelle-Orléans. Et avant ça, non, c'était les shows Dragon Gate ou Ring of Honor. Et c'est vrai qu'on allait plutôt au show Ring of Honor. Sinon, t'étais bien placé alors dans le stade. Ouais, écoute, on était très bien placé, donc rien à redire. C'était. Et t'as réagi comment quand t'as vu les annonceurs français, donc avec Christophe Ajus et Philippe Géraud, qui étaient donc au bord du ring de WrestleMania? C'est un petit à l'instar du sentiment que j'ai pour Tom à NXT, de voir que Christophe en tant que commentateur sera au bord du ring lors de WrestleMania, c'est beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté pour lui, parce que ça veut dire qu'en tant que dans le cadre de son métier, il a fait le truc ultime à faire et que y a rien qui peut dépasser ce qu'il a fait. Donc quand il a annoncé ça, ouais, c'était vraiment une bombe atomique. Et puis après, quand on s'est vu après le show à WrestleMania pour faire la fête, etc., c'était génial, quoi. Plus puisque t'étais au show en live à WrestleMania 30, t'as donc vécu la fin de la streak de l'Undertaker en live. En effet, j'ai vécu la fin de la streak en live. Alors ta réaction Ma réaction, c'était de regarder mon acolyte de droite, Ishtou, que je salue et que j'embrasse, où on a eu comment dire, on s'est regardé en se disant ah putain, ah ouais, ils l'ont fait, quoi. Et par contre, la foule, c'est vrai que tout s'est arrêté pendant, je vais dire, 1 minute, parce que nous, on avait, contrairement à vous, à la télé, où vous aviez les images des gens, qui étaient complètement stupéfaits. Choqués, ouais. Ouais, voilà, stupéfaits, choqués, tout ce que vous voulez. Vous voyez, vous voyez que, enfin, il se passait quelque chose, mais nous, dans le public, on n'avait rien pendant 30 ou 45 secondes. Donc tout le monde était abasourdi et il se passait rien. Et ensuite, on a seulement vu le 21-0, mais on n'avait pas on n'avait plus du tout sur les écrans le live que vous aviez en pay-per-view. Et donc du coup, il y avait une atmosphère très très bizarre où les gens savaient pas s'ils avaient raté ou si s'il fallait y croire, s'il fallait pas y croire. Et c'était 90 secondes ou peut-être 2 minutes très très très particulières où personne n'y croyait. Et puis voilà. Mais c'est vrai que quand on y repense, c'était probablement cette année où c'était le mieux à le faire parce que pendant tout le match, quoi que faisait Brock Lesnar, les F5 dans tous les sens, etc., il n'y avait pas une personne dans le stade qui se disait qu'Undertaker pouvait le perdre. Et c'est vrai que au fur et à mesure, il y avait l'intérêt pour le match commençait à baisser de manière assez dramatique. Il n'y avait plus aucune ambiance, il se passait rien, les gens n'en avaient rien à foutre en fait. Les gens attendaient simplement le tombstone qui allait faire le compte de 3. Et finalement, quand il a fait le F5 pour le compte de 3, là c'est là que tout a basculé, comme on dit. Là, tout le monde s'est réveillé. Puis la musique de Brock Lesnar n'a pas joué de suite en plus. Non, ouais, c'est ce que je dis. C'est ça aussi qui est surprenant. Mais c'est normal parce qu'en même temps, il y avait un tout petit comité en réalité. Shawn Michaels avait dit, ils étaient 4 ou 5 à peine à le savoir. Donc, mais Colby nous disait que c'était pas inscrit justement le 21-0, mais en plus de ça, ils ont pas mis de suite la musique de Lesnar. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment fini ou pas? C'est ça. C'est vrai que la sensation en live doit être assez particulière. Ouais. Exactement, oui, il y a eu un flottement de 30 secondes à l'issue desquelles on a eu le 21-0. Ou là, 21-1. Tout... ah oui, merde! L'astuce. 21-1, pardon, ouais. Et c'est là que les gens se sont dit, ah oui, donc c'est bien vrai. Et donc, il y a eu de nouveau eu un petit flottement avec toujours les écrans noirs et aucun retour du live du pay-per-view. Et ensuite, il y a eu la musique et c'est là que ça a repris un petit peu. Mais oui, il y a eu ces 7 minutes 30, 2 minutes hors du temps, comme on dit. D'accord. Une question d'un auditeur, Dame Catch, donc sur le forum Wessels, qui demande ton avis sur cette nouvelle vague de catcheurs indépendants qui est arrivée à WWE. Bon, comme tu connais Brian un petit peu, les Rollins, c'est comme Cesaro et compagnie, t'en penses quoi? Qu'est-ce que ça peut apporter, quoi? Cesaro, je suis très très fan. Rollins aussi, Roman Reigns n'était pas connu avant. Dean Ambrose, j'aime bien, mais quand il a brillé en indie, c'était pas la période où j'ai beaucoup suivi ce qu'il a fait. Donc j'ai pas été son annonce d'arriver à NXT puis la WWE, c'était pas un truc qui avait totalement chamboulé mon quotidien parce que je l'avais pas connu lorsqu'il était dans les fédérations indépendantes. Ouais, j'étais John Moxley. Ouais. Sinon, qui c'est qui est à NXT en ce moment? Tu disais, t'avais Adrian Neville, là, le champion. Adrian Neville, Sami Zayn, ouais. Bo Dallas. Non, on a dit des bons catchers, d'accord. Bah écoute, je pense qu'il va te faire mentir dans les mois à venir. T'es de retour en France du 1er, donc 11 mai, tu nous l'as dit tout à l'heure. À quelle fréquence? J'ai jamais donné ces dates, là. Il te l'a pas dit, c'est toi qui est allé... Non, il nous l'a dit tout à l'heure. Il y a 3 semaines. Non. Il nous a dit qu'il y a 3 semaines, il était revenu en France. Ah, superbe, les gars. Non, mais oui, j'ai catché en France. Je l'ai pas rêvé. J'ai jamais mentionné, là. J'ai pas dit que j'étais en France du 1er au 11 mai. Ouais, c'est clair. Oui, c'est vrai, oui. Bon. Alors, d'après ton Twitter personnel, donc, qui est Party with Colby, tu as été de retour en France donc du 1er au 11 mai. À quelle fréquence retournes-tu en France? La fréquence de retour en France est assez occasionnelle. Voilà. Oui, d'une part occasionnelle, mais c'est pas du tout. Il n'y a pas vraiment de fréquence, quoi. C'est au petit bonheur la chance quand il y a une raison. Donc il n'y a pas vraiment de règles. Peut-être que j'y retournerai dans un mois ou deux. Peut-être que j'y retournerai que dans 6 mois. Il n'y a pas de règles. D'accord. Et un départ aux US est-il envisageable dans le futur pour tenter ta chance dans une des big fédérations? Tout est toujours envisageable. Le rêve ultime, c'est la WWE. Oui, de toute évidence, ouais. D'accord. Là, on va passer donc une rubrique qu'on avait inaugurée avec Roméo, c'est l'interview décalée. Ah, cool. Donc, on va te demander ton avis sur quelque chose et puis tu réponds cash, voilà. Il y aura des questions aussi. On va commencer par ton avis sur les catcheurs. Mm-hmm. Ouais, alors là, légende du catch, on aimerait savoir ce que tu penses quand même de Hulk Hogan. Hulk Hogan, eh ben, comme tu l'as dit, hein, une légende du catch. Il a Tu étais tout fan fait. plus quand tu étais jeune ou c'est pas un catcheur qui t'a forcément Je l'ai pas connu, je l'ai pas connu dans son apogée. plus Hollywood Hogan à la WCW? Ouais, voilà. Ouais. Que penses-tu de Sin Cara? Sin Cara, lequel? Le premier, le Botchman. Celui qui venait de la CMLL, quoi, ouais. Oui, Botchman. Bah, c'est vrai que son potentiel n'a pas pu être exploité à la WWE. Pourquoi, je sais pas trop. Si on se fie à ce qui se dit sur Internet, c'est plutôt des soucis de communication parce qu'il parle pas bien anglais, mais bon, ça, j'en sais pas plus. Mais sinon, la personne qui avait sous Sin Cara, donc Mystico, lui, évidemment, un athlète exceptionnel. Et tu penses quoi de Disco Inferno? Alors, Disco Inferno, en 2014, j'ai absolument aucun avis sur lui. Par contre, à l'époque de la WCW 97, je pouvais pas le blairer. ton avis sur Bray Wyatt? Bray Wyatt, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Alors attention à ta réponse. Ton avis sur le three-time WCW World Heavyweight Champion, le King of Bada Bim Bada Boom Bada Bang, Diamond Dallas Page? Bah écoute, DDP, à l'époque de la WCW sur Canal, j'étais très très fan. Parce que comme j'ai jamais été très très intelligent ni réfléchi dans mon approche du catch, donc j'aimais pas les méchants, j'aimais les gentils, tu vois. Donc quand DDP a fait son face turn sur Scott Hall, après qu'on lui ait proposé de rejoindre la NWO, bah forcément j'étais super fan de DDP Ouais. jusqu'à la fin. J'étais très très fan de DDP lors de son arrivée à la VVF en c'était quoi juin 2001 quand C'est ils ça. étaient notamment au King etc. enfin les Raw avant le King et puis au King 2001 donc très très fan. Après ça s'est un petit peu perdu dans les méandres de la VVE mais sinon j'ai absolument rien contre lui et je me faudrait que je fasse du yoga. Non, mais sérieusement, je suis sûr que j'en tirerai un grand bénéfice, mais j'arrive pas à m'y mettre. Et de manière unanime, tous les gens qui ont essayé son yoga, bah, le premier, Jake Roberts et Scott Hall, tout le monde dit que c'est vraiment génial et qu'il y a des progrès à tous les niveaux. Donc, faudrait qu'un jour je m'y mette. Que penses-tu pour finir de El Torito? Alors, El Torito, bah écoute, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé le match d'Extreme Rules. Après, à la WWE, il fait très bien son rôle. Hein, donc, c'est du, enfin. Il fait bien son truc. Et par contre, j'invite à tous ceux qui trollent, comme vous dites, sur El Torito de regarder des vidéos de Mascarita Dorada au Mexique. Et je pense que vous allez tomber par terre plus d'une fois en voyant ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, El Torito, tout comme Jim Duggan, Charles Robinson, je les ai croisés et j'ai discuté avec El Torito chez IHOP à Nouvelle-Orléans. IHOP, enfin, c'est un truc une franchise de petit-déj de pancake. Donc j'ai discuté 5 minutes avec lui et très cool. Mais vraiment une tête de catcheur, quoi. Même s'il est tout petit, enfin évidemment. Mais pareil, une tête de catcheur hyper baraquée pour une personne de petite taille et tout. Donc il passait pas inaperçu. Et donc une question peut-être un petit peu personnelle posée par notre Alsacien Sébastien. Quel est ton avis sur la situation du Racing Club de Strasbourg? T'es originaire de cette ville? Eh bien écoute, je me suis délecté de leur victoire 3-0 face à Dunkerque lors de mon passage en Alsace. J'ai eu un petit peu de tristesse quand j'ai vu qu'ils ont de nouveau perdu la semaine dernière. C'est bien, t'as passé un bon moment alors 3-0, c'était bien. Ouais, non, bah en plus pour un match national, quand t'as 15 000 personnes, c'est le pied, quoi. Ah oui, ça c'est la passion, c'est bien ça. Alors cela fait un peu plus de 7 ans, jour pour jour aujourd'hui, que JTG est employé par la WWE. Penses-tu qu'un jour il sera licencié pour que tu puisses intégrer à ton tour la fédération, y rester 7 ans et puis te faire licencier à ton tour? Licenciement, peut-être pas, hein. Non, peut-être pas. Ouais. Bah écoute, je sais pas trop quoi répondre à cette question. JTG, c'est vrai qu'on le voit pas trop, mais si son licenciement est synonyme forcément que moi je rejoigne les rangs de la VVE, alors je vais peut-être pousser pour. Après, je sais pas du tout quel est son rôle. C'est pas parce qu'il est pas à la télé qu'il. Fantôme. Bah fantôme à la télé, mais après, Oui. la VVE c'est une machine énorme avec énormément de choses qui se passent dans tous les sens et j'ai aucune idée de ce qu'il fait là-bas. Alors, juste comme ça, parce que je viens de penser à une question qui m'est venue d'un éclair de génie. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un éclair de génie, on verra. Tu préférerais une carrière à la JTG et à la WWE ou être main eventer champion du monde à la TNA? JTG. Ah ouais, quand même. Ben, parce qu'il faut quand même payer les factures, quoi. C'est vrai que la TNA, c'est pas très stable, c'est vrai, à que ce c'est pas niveau-là. très stable. Et moi, j'aurais une question pour finir, une question très très pratique, qui peut peut-être donner quelques conseils à quelques catcheurs, catcheuses. Tu laves ta tenue à quelle fréquence à peu près? Toutes les semaines, les mois, ou comment ça se passe? Tu parles de ma tenue de catch ou de C'est mon... ça, ouais. Tenue de catch. Non, pas tes vêtements de ville, non, tenue de catch. Ma tenue de catch, je la lave à la main systématiquement le lendemain du show. Ah d'accord, ok. Ah ben voilà. Un bon On a la conseil à suivre. réponse. Voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez faire du catch. Lavez votre tenue à la main le lendemain du show. Ouais, n'apprenez pas le catch, ça sert à rien. Lavez vos tenues et c'est bon. Voilà, c'est surtout ça qui compte, oui. Bon, ben sur ce, je pense qu'on peut passer à la liste des partenaires. Avec donc FN Lutte, Vox Catch. Vox Catch là, qui est revenu dernièrement sur... Sur l'autre show qu'il y avait Orchi dans le Nord, avec aussi l'interview de Pierre Booster, Il fait beaucoup l'ICW parler, pour hein. faire de ses shows. Et donc ensuite la Wrestling Evolution League, vous pouvez nous suivre sur le Twitter Wessos Radio, le Facebook Wessos Radio entre parenthèses officielles, nous écouter sur YouTube, sur iTunes, sur archive.org, d'autres partenaires Instant Catch, Catch Asylum, Revolt et Wrestling Original. Vous pouvez nous écrire par mail à wessosradio@gmail.com et voir nos informations aussi sur le forum Wessels. Merci pour le lien, Gus, en direct. Y a pas de quoi. Ah, Ça c'est fait vrai que c'est super ça. plaisir. Et donc Je sais pas le dire. au programme, il y aura NXT Takeover le 27 mai. Donc on enregistrera un podcast Next Gen Wessels qui sera diffusé, je pense, 3 jours après. On vous tiendra au jus de la date précise. Il y aura Payback, mine de rien, de la WWE aussi, qui aura lieu le week-end d'après, le 1er juin. Donc, il y aura un Late Night Wrestling qui sortira le 6 juin. Puis, la TNA, malheureusement, il y en a qui suivent, parfois de manière assez contractuelle. Malheureusement, je suis parfois forcé. Je sais, j'ai pas le choix. TNA Slammiversary le 15 juin, avec quand même Célian Varini et Grégory Diss qui seront sur place, encore une fois, comme l'année dernière, à la table des commentateurs français de ma chaîne sport. Et sinon, ben... Il pourrait y avoir quelques petites surprises éventuellement qui pourraient se glisser au courant du mois de juin, donc on vous tiendra au courant. Il y aura quelques surprises. Ah bon? Ouais. Je dois dire des trucs là ou... Non, il n'y a pas d'infos précises. Voilà. C'est pas sur moi Non. Ah oui, un petit partenariat. Non, non. Ben merci beaucoup donc pour ta présence, Yann. Ouais. Merci pour cette interview complète. N'hésitez pas à réagir éventuellement si vous avez d'autres questions. Bah écoutez, oui, bah merci à vous de m'avoir accueilli. Facebook, voilà. Yann Colby sur Facebook, toutes mes actualités, souvent en hongrois malheureusement, souvent en anglais aussi, et ça ne tient qu'au promoteur français de me ramener dans le pays si vous voulez un petit peu plus d'actu francophone, voilà. Alors, avant de se quitter, on a une question de Eva Bérénie, on dit comme ça. Il me semble que c'est une amie à toi qui demande. Plus grande fan. Alors Yann, tu sais pas au hasard mon adresse mail pour loguer sur Facebook? Il y a le cerveau de polype qui fuit et se souvient pas. Merci Michel. Oui, bah écoutez, je crois que là, il n'y a pas besoin de répondre à ça. On va pas. On a Il reçu ça, donc on va le faire quand faut même. répondre. Ah non, comme tu veux, hein, Je vais tu pas répondras en privé. donner une adresse mail et un mot de passe en direct. On n'est pas. Et ah, que tu pourrais, hein, tout le monde va pirater le compte là, non? Y a eu 154 millions d'adresses piratées chez eBay. Je ne vais pas en rajouter une. C'est vrai. Non, bah écoute, ma très chère Eva, je te remercie beaucoup pour cette question qui me va droit au cœur. Et je vais essayer de monopoliser tous les moyens techniques et humains qui sont à ma disposition pour pouvoir revenir vers toi au plus vite avec une réponse complète et exhaustive. Ça, Voilà. c'est de la réponse. Parfait. Éventuellement, d'autres dédicaces. Eh bien, je dédicace un grand salut à tous les fans de catch qui me suivent ou qui m'ont suivi sur Internet et qui m'ont envoyé des messages ou encouragé ou autre chose. Un grand salut à tous mes amis qui écoutent peut-être, mes amis du métier qui écoutent peut-être cette interview, donc Roméo. À tes amis qui te reconnaîtront. Voilà, donc Roméo, Christophe Ajus, Célian Varini, Ishtou et Dimitri, qui sont aussi des acteurs importants du métier. Aussi Gianni Leone, qui est un très très bon ami du métier du catch, qui s'est entraîné aussi d'ailleurs chez les Dudleys. et qui est à présent de retour en Europe. Et voilà, donc et puis Boosty, et puis Peter Fischer, et je sais, tout le monde, je sais pas. Quand t'arrêtes de remercier, tu te dis que t'en as oublié 47, donc je remercie tous les gens avec qui j'ai pu partager des moments dans les vestiaires. Ça fait un petit peu lettre de suicide ou speech de retraite, mais voilà, je remercie tous les gens qui ont contribué à ce que je puisse vivre ma passion devant le public, et voilà. Ah ben parfait. Bah alors n'hésitez pas à réagir à cette interview, donc sur tous les supports Facebook, Twitter, même sur la page de Yann, parce que cette interview sera partagée aussi sur ta page, donc n'hésitez pas. Et puis bah on va continuer à suivre avec intérêt ta carrière, et puis en espérant que tu reviennes plus souvent en France bien sûr, et puis que éventuellement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu puisses espérer voir encore plus haut. Voilà, c'est ce qu'on peut te souhaiter. Donc. Eh ben, c'est très gentil de votre part. Et puis à très bientôt aussi sur le podcast, hein. Ah oui, en effet, bah oui. Parce qu'on peut très bien faire le point à un moment donné. Donc, On peut faire le point, tu peux même venir une fois analyser un pay-per-view, pourquoi pas. Ah bah écoutez, avec grand plaisir, hein. Je reste très fan dans mon approche du catch, donc, analyser et regarder des pay-per-view, des choses comme ça, moi, c'est des choses qui m'intéressent. Moi, j'aime le catch avant d'être catcheur, donc il n'y a aucun souci, hein. Avec grand plaisir. Ah d'accord, ben parfait alors. Mais ça crée. Une prochaine fois, et puis on vous souhaite un bon dimanche soir si vous l'écoutez juste après sa sortie, ou bonne semaine, ou faites je sais pas, bonnes occupations quoi, un peu comme Daiguignol là je fais. Et puis à la prochaine pour d'autres numéros, et surtout n'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup à Yann encore, et puis à la prochaine, voilà. Ouais. Je vous répète. À ciao. Bisous Zoubi. À tous. Zoubi. Salut les amis. Give me a animals, but I got these beats banging out the back of my toy car. Yo, I'm eating Fun Dip right now. Not giving a fuck.